Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. La présidentielle de 2017, que certains d'entre vous ont suivie, pourrait laisser penser que finalement, le centre est toujours viable, c'est-à-dire que la politique vers le centre avec l'élection de Macron est toujours... Que cette idée que la polarisation entre les classes, avec l'émergence d'une gauche radicale et d'une droite de plus en plus radicale, on pourrait se dire qu'avec les présidentielles, ce phénomène n'a pas eu lieu. Mais on va revenir, je reviendrai dessus là-dedans. Les apparences en fait, sont plutôt trompeuses. En réalité, Macron se retrouve élu relativement massivement, notamment au deuxième tour, et nous propose une présidence jupitérienne. Il est Jupiter, c'est le dieu sur Terre qui rassemble, c'est le chef militaire. Enfin, c'est une personnalité qui paraît largement surjouée, en réalité. Mais surtout, il faut faire redescendre Dieu sur Terre, parce qu'il y a des questions bien matérielles, des situations objectives matérielles qui font que ce régime digne d'un dieu, moi tel qu'il voudrait le montrer, n'a pas lieu. Et la situation, c'est d'abord, on doit d'abord, pour comprendre cette situation, jeter un œil sur la situation du capitalisme et de l'économie française. On a parlé tout à l'heure de la question de la croissance qui était repartie et que... Donc évidemment, les capitalistes se disent « ça y est, c'est le signe précurseur d'une étincelle, et puis tout va aller mieux dans le meilleur des mondes, dans le meilleur monde possible ». Effectivement, en France, il y a un taux de croissance qui est prévu aux alentours entre un 7 et un 9, selon les prévisions pour l'année 2017. Mais évidemment, comme on l'a discuté, l'économie, en fait, aussi bien nationale qu'internationale, est particulièrement exposée. Je ne vais pas revenir en détail là-dessus. On parle de l'accumulation de la dette privée colossale en Chine. On parle de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne avec l'idée de faire tourner la planche à billets qui inquiète, évidemment, qui inquiète grandement la situation économique générale. Et puis d'autres événements comme les comportements de Trump, la question de la crise catalane. Enfin, c'était quelque chose qui a été largement évoqué, mais aussi la perspective d'une possible, justement, qu'un accident provoque une récession plus approfondie, notamment quand on regarde la situation de la dette globale. On parlait tout à l'heure, il parlait d'une dette, d'une dette publique absolument importante. On parle de 150 000 milliards de dettes cumulées. En réalité, quand on ajoute à ça la dette privée, on se retrouve avec une bulle spéculative très importante de l'ordre de 230 000 milliards d'euros, ce qui représente grosso modo trois fois le produit intérieur brut mondial et qui donne un indicatif en fait de la gravité potentielle de la situation socio-économique. Et en ce qui concerne le capitalisme français, il est particulièrement exposé, sachant qu'en plus ce capitalisme français est en déclin relatif vis-à-vis des autres puissances depuis de nombreuses années. Juste un chiffre qui est intéressant, c'est que entre 90 et 2016, c'est-à-dire sur une période d'à peu près 25 ans, la part des exportations françaises dans le marché mondial passe de 6,3% à 3,1%, ce qui est, du point de vue de l'impérialisme français, un sérieux problème. Et au sein même de l'Union européenne, là où se réalise une grande partie des échanges commerciaux, on passe sur une période plus courte de 2000 à 2016 de 17,3% de part à l'export à 13,5%. Et pendant ce temps-là, la France, l'économie française, de son côté, importe de plus en plus, puisqu'on passe sur une période équivalente, 2003-2016, de 19,7% d'importation à plus de 23,5% en 2016. Et donc, c'est une situation que Macron promet de résorber. Il faut rétablir la compétitivité, il faut relancer l'investissement, et c'est pourquoi on doit faire des sacrifices maintenant pour espérer les retrouver éventuellement dans 5 ans, selon la théorie du ruissellement bien connue, que l'argent des riches inondera forcément et son activité inondera forcément l'activité des pauvres. Évidemment, c'est sans oublier le caractère absolument parasitaire de la classe dirigeante française, puisque sur la période concernée, là où on parlait des importations, de 2001 à 2016, en réalité, c'est 1 million d'emplois industriels qui ont été perdus, qui ont disparu en France. On a eu une illustration récente avec la vente des chantiers navals STX et la vente d'Alstom à l'Allemagne. Et en parallèle de ça, quand on parle donc ils n'ont absolument rien développé sur le plan industriel, mais par contre, ils ont enregistré des dividendes records. La bourse française, enfin, les capitalistes de la bourse française, c'est quasiment les niveaux les plus élevés de dividendes reversés aux actionnaires. On parle de 40 milliards d'euros reversés l'année passée. Sans oublier ensuite tous les cadeaux fiscaux qui ont été réalisés sous Sarkozy, puis sous François Hollande, et maintenant sous Macron, avec le CICE, justement, c'était le contrat de compétitivité qui était donné, des subventions, en fait, des allègements de fiscaux qui étaient censés créer énormément d'emplois. En réalité, il n'en a rien été, pour un coût qui a été très important. C'est-à-dire qu'on estime, sur la période 2014-2015, 28 milliards d'euros reversés aux capitalistes, sur un total de plus de 60 milliards d'euros qui ont été reversés sans absolument créer aucun emploi, alors que le patronat, grâce au CICE, prétendait créer 1 million d'emplois. Donc là, on a vraiment résorbé en quelque sorte cet énorme trou. Mais en réalité, le capitalisme français vit sur ses rentes, sur la spéculation, les services, le luxe, un peu d'industrie aéronautique. Et finalement, on ne va pas plus loin que ça là-dessus. Alors, quid de la compétitivité dans ces conditions ? Il n'y a eu quasiment aucune mesure. Au contraire, il y a des baisses très importantes de mesures. Il n'y a pas eu d'augmentation des investissements, une baisse dans la recherche et développement. En quelque sorte, c'est un racket des finances publiques via les différentes subventions qui ont été accordées, tout en réalisant de plus en plus de marge de leur point de vue. Voilà. Et Macron, en plus, arrivé maintenant, propose de transformer en tout cas toutes ces aides en baisse de cotisations patronales pour l'année d'ici 2019. La situation de l'État global ne va pas mieux. La dette publique, Fred en parlait, on frôle les 100% du produit intérieur brut, le produit PIB qui est aux alentours de 2200 milliards d'euros. Et donc, il y a le budget qui a été présenté au Parlement, où le mot d'ordre, c'était, nous, on veut promouvoir le risque, c'est-à-dire le risque que vont prendre les capitalistes contre la rente financière. Et donc, ça passe par une baisse massive, c'est ce qu'on vient d'assister ces dernières semaines, une baisse massive de la fiscalité sur les riches. Il y avait l'impôt de solidarité sur la fortune qui a disparu. Et en gros, ça a été 46% de baisse qui ont été réalisées, de baisse de charges sur la fiscalité, mais seulement 10% qui ont été réalisés sur les plus riches. Et donc, comme on te parlait de la théorie du ruissellement tout à l'heure, évidemment, c'est une blague, d'autant plus que ces aides, ces différentes subventions qui sont données au milieu capitaliste ne servent pas à l'investissement, mais les plus riches, on leur donne cet argent, ils épargnent, et puis ils attendent. C'est la contradiction qui était apparue ce matin, tout à l'heure, sur ce que Fred disait. Et bien sûr, c'est une hausse du budget de la défense, bien sûr, parce qu'il faut continuer à maintenir les opérations extérieures françaises pour continuer à piller notamment toute la zone subsaharienne où la France constitue, l'armée française constitue quasiment la principale force armée sur cette partie du monde. Non content de ça, évidemment, c'est des attaques très importantes qui sont mises en place. Il y avait énormément de contrats aidés qui servaient à des associations, à des collectivités, à ce genre de choses, qui ont été drastiquement baissés du jour au lendemain. C'est une baisse aussi du ministère du Travail, qui avait la possibilité de contrôler en grande partie ce que faisaient les patrons. Et donc ça veut dire effectivement de moins en moins de protection sur les salariés. On parle de moins 1,5 milliard d'euros pour ce ministère. Enfin, il y a toute une succession comme ça de coupes qui sont réalisées. Je vous passe les détails là-dessus. Mais ce qui est remarquable, c'est que Macron profite du peu d'embellie qu'il a, de la pacte qu'a eu les élections, du fait de dire de toute façon, ok, les Français ça les intéresse pas trop, mais pourtant ils nous ont élus pour ça. Et donc il faut passer très vite. Et il y a le même type de provocation que pouvait utiliser Sarkozy à l'égard des travailleurs, en disant que voilà, tel salarié qui se défend et qui lutte pour la préservation de leur entreprise fout le bordel. A des comportements particulièrement arrogants à l'égard des travailleurs. On pourrait se dire, mais il est bête, il les provoque. En réalité, il essaie de rassurer son propre camp, la base sociale, à qui il a promis de faire des contre-réformes de grande importance. Et puis, Macron aussi avait promis, Macron a été élu, je reviens là-dessus, parce qu'il y avait notamment la volonté de faire du nouveau, c'est-à-dire que ce phénomène de polarisation, même si Macron a été élu, existe. On l'a vu avec la chute totale du Parti Socialiste, qui est passé à 6%, son candidat est passé à 6% aux élections présidentielles, alors qu'avant il dominait largement la gauche. Le Front National qui fait un score très important de son côté. La droite traditionnelle qui a fait un score assez faible et qui se retrouve éliminé du second tour, ce qui n'était jamais arrivé. Et Macron, qui proposait ce changement, s'est adressé largement aux catégories sociales les plus aisées et qui, à travers ce mécanisme, a pu tirer son épingle du jeu avec un arsenal médiatique à son service derrière, sachant que les patrons de presse sont des milliardaires. Toute la presse est possédée par 9 milliardaires qui ont soutenu la campagne de Macron. Bon, tous ces éléments ont permis à Macron de se hausser. Par contre, la politique autrement, finalement, les Français commencent à réaliser qu'il n'en est rien, parce que c'est des attaques qui continuent, mais aussi la question de faire une politique autrement. Récemment, il y a eu la fondation du Parti de la République En Marche, où finalement, il n'y a eu qu'un seul candidat, et puis finalement une déclinaison verticale où c'est le parti présidentiel absolument antidémocratique, et finalement un sondage récent disait finalement la République en marche, et finalement ni plus ni moins qu'un nouveau parti traditionnel, classique. Et voilà la situation. Alors, en tout cas, toutes ces attaques de Macron et son comportement agressif évidemment provoquent des tensions entre la base et le sommet de la société, et évidemment de la colère s'accumule sur la surface. Alors je disais que la droite avait pris un coup extrêmement dur, donc effectivement elle est victime de cette polarisation dont on parlait. Son socle électoral va vers la droite, mais ils étaient tentés de ne pas aller trop vers la droite. Le résultat, ça a été la candidature de François Fillon, qui a gagné sur le programme le plus radical, le plus à droite, qui bien sûr n'a pas suffi. Mais aujourd'hui, les Républicains, cette droite, se retrouvent dans une situation assez complexe, puisque une grande partie se sont dit finalement, Macron, il fait le programme avec lequel on est assez d'accord. Ça a eu pour conséquence que le groupe parlementaire des Républicains se divise. Une partie est venu soutenir Macron, c'est ce qu'ils appelaient les Républicains constructifs, et l'autre partie regarde de plus en plus vers les thèses du Front National, avec la candidature de Laurent Wauquiez, qui va être ce candidat qui mise à fond sur la droite, et où qui sera, il est en tout cas le favori de l'élection du Parti Républicain qui se tiendra mi-décembre. Et donc il y a une division, je disais, entre son aile plus modérée, qui veut continuer avec Macron, et son aile plus à droite, qui veut miser sur le futur en se disant, mais voilà, le futur, c'est ça, c'est la ligne qu'a donné Marine Le Pen. Le Front National, qui, malgré ce score important présidentiel, se retrouve dans une situation, en fait, assez compliquée, notamment avec l'émergence de la France Insoumise, parce que la candidature de la France Insoumise a permis de capter une grande partie de l'électorat qui se radicalise et qui cherchait quelque chose. Et le Front National se retrouve dans une situation où, finalement, malgré son score important et s'être retrouvé deuxième tour, ne constitue une opposition, on va dire, secondaire, et n'apparaît assez peu, et est mouillé dans des scandales. Le Front National se retrouve aujourd'hui blacklisté par sa banque, et se retrouve insolvable, et se retrouve dans une situation financière très compliquée. Mais surtout, c'est qu'ils n'arrivent pas réellement à émerger de la situation. Et ça montre en fait les limites, enfin cette campagne et ses suites ont montré aussi les limites de la démagogie sociale du Front National, surtout quand sur la gauche, on avait cette candidature de Mélenchon qui allait beaucoup plus à gauche, anti-système, et qui a répondu aux attentes d'une certaine partie de l'électorat, dont une partie pouvait voter Front National, pas tellement parce qu'ils étaient d'accord avec les thèses du Front National, mais parce qu'ils voulaient mettre un coup de pied dans la machine, et on pouvait voir... justement, dans la candidature, avec la France Insoumise, un programme politique qui allait beaucoup plus loin dans ce sens. Cette situation donc nouvelle présidentielle a un impact, je parlais tout à l'heure, du Parti Socialiste, qui se retrouve dans une situation extrêmement compliquée pour eux, dans une impasse. Une partie de son aile gauche... son aile gauche est sortie du Parti Socialiste, derrière le candidat à la présidentielle, Benoît Hamon, qui a fondé un nouveau mouvement, mais qui peine en fait à exister réellement. Ça s'appelle le M17-17, en référence parce qu'ils se sont fondés le 1er juillet 2017. Et dans une situation financière très compliquée, du coup, puisqu'ils ont perdu énormément de députés, ils se retrouvent avec un groupe parlementaire rikiki, je crois qu'ils ont une trentaine d'élus parlementaires. Ils ont été obligés de vendre leur siège, le siège national rue de Solferino à Paris. Donc il y a une perte très importante, et le Parti Socialiste se retrouve vraiment dans une situation où ils ont du mal à exister. Et là, récemment, un des parlementaires du groupe, qui ne s'appelle plus le groupe socialiste, du coup, qui s'appelle le groupe de la Nouvelle Gauche, et candidat pour entrer au gouvernement, dans un nouveau gouvernement que formerait Macron. Un autre blessé sur cette liste, c'est le parti des Verts, c'était Europe Écologie Les Verts, qui lui a vraiment du peine à exister, et dont dans la démagogie écolo, réformiste, et de s'être associé au Parti Socialiste par le passé, ils ont subi les conséquences de cette tâche. Et on voit même maintenant avec Nicolas Hulot, qui est le ministre de l'écologie de Macron, donc qui a fait partie des Verts. Je ne sais pas si vous connaissez Nicolas Hulot, c'est ce ancien présentateur télé qui vend des produits Ushuaïa pour prendre des douches, qui profite de ça, qui était rentré là-dedans en disant oui, effectivement, sur le programme de Macron, on va aussi, nous aussi, commencer à démanteler le parc nucléaire à l'horizon 2025-2030, notamment pour toutes les centrales nucléaires qui arrivent en fin de vie. Finalement, bon, c'est plus compliqué que ça, ce ne sera pas avant 2035, en gros, ça ne se fera jamais. Et du coup, pareil sur la question du glyphosate ou des perturbateurs endocriniens, beaucoup de reculades. Et quelque part, on a un peu ce phénomène avec les Verts aussi en Allemagne, même toute proportion gardée, où finalement les Verts sont incapables de produire une alternative. Et surtout, la grosse différence qu'il y a sur cette question écologique, qui touche énormément de monde et qui est un facteur, on va dire, d'indignation et de scandale, et effectivement, et dans la jeunesse notamment, la perspective de voir... De voir le capitalisme détruire l'environnement et même la survie de l'espèce humaine dans l'écosystème. Eh bien, c'est la France insoumise qui a présenté un programme beaucoup plus radical sur les questions écologiques, à travers les questions de planification écologique, bien sûr avec des limites, puisque, comme vous le savez, il n'y avait pas forcément, on ne peut pas faire de planification écologique sans planifier un minimum l'économie. Et évidemment, ce n'est pas quelque chose d'explicite dans le programme. Mais en tout cas, cette approche beaucoup plus radicale de la question écologique, où on commence à parler de planification, a bien sûr, où les, on va dire, pour ceux qui ont conscience de la situation écologique, c'est plus les Verts, c'est terminé. Il faut une réponse plus globale et qui était pas seulement limitée à des ajustements écologiques dans le cadre du capitalisme, mais qu'il faut aller beaucoup plus loin. En tout cas, il y a un potentiel important pour développer nos idées et les lier à la question économique et sociale. Enfin, un dernier mot sur les partis qui ont beaucoup de mal, c'est le Parti communiste français, qui a réussi à maintenir un groupe parlementaire au Parlement, mais qui a longtemps tardé à rejoindre Mélenchon. Ils ont fini par le rejoindre quand ils ont réellement compris que le Parti socialiste ne pourrait plus l'emporter, mais qui continue, jusqu'à aujourd'hui encore, à être extrêmement réticent, pour dire le moins, à l'égard du développement de la France insoumise, et qui continue à expliquer qu'il faut une alliance de toute la gauche, sous-entendu évidemment, avec ce qui reste des débris du Parti socialiste ou du mouvement de Benoît Hamon. Et le Parti communiste, qui va tenir son congrès à l'automne de 2018 maintenant, effectivement se retrouve dans une situation où quasiment rien n'est remis en cause sur sa stratégie, sur son programme, et vu comme plus à droite que la France insoumise qui s'est développée récemment. Ça ne veut pas dire qu'il est complètement mort, mais effectivement, c'est extrêmement compliqué, puisque aux législatives, ils ont voulu faire cavalier seul, et du coup, ils se sont retrouvés avec beaucoup moins de voix, beaucoup moins d'argent aussi à rentrer, et la question financière pourrait précipiter la chute de ce parti. Donc voilà la situation pour les partis. Alors le thème ici, c'était la lutte contre Macron. On est parti sur quelque chose de perspective pour la France, évidemment, parce qu'on ne peut pas juste parler de Macron là-dessus. Évidemment, immédiatement, dès la rentrée, des mouvements sociaux et des journées d'action et des manifestations ont été organisées par les syndicats. Mais comme on l'avait envisagé, comme on l'avait prédit, cette stratégie des journées d'action qui a déjà été utilisée en 2010, qui a été un échec, qui a été utilisée pendant le travail, ça a également été un échec, eh bien on a continué à la rentrée avec cette stratégie et on s'est retrouvé avec une manifestation des journées d'action du 12 qui était moins importante en termes de mobilisation évidemment pendant le travail et qui a lentement décliné jusqu'à maintenant, reconnaître l'impuissance, faire un aveu d'impuissance par rapport à cette stratégie. Enfin, nous, on le reconnaît comme ça, mais les dirigeants syndicaux, eux, ne reconnaissent pas comme ça, puisque le dirigeant de la CGT, Martinez, il y a quelques jours, annonçait « Bon, mais non, mais la partie n'est pas finie, on va lutter pied à pied, et puis on envisage encore une autre journée d'action, un peu dans le vide, en fait, puisque, évidemment, ça a été un échec total. » Sur la dernière journée d'action qui a eu lieu, c'était il y a une dizaine de jours, on constate un recul très net, quoi. C'est-à-dire à l'échelle de toute la France, bon, c'est les chiffres de la police, donc c'est pas forcément révélateur, mais 80 000 personnes à l'échelle de toute la France, là c'est juste revendiqué, je crois, dans les 300 000. Donc voilà, ça dépasse même pas les effectifs militants et de la moitié des effectifs militants de la CGT. Et ça, évidemment, c'est une situation qui ne peut pas durer comme ça, quoi. Or, là, Macron ouvre confiant dans cette première victoire, c'est-à-dire où il a approfondi la loi travail, qui a des implications très sérieuses, hein. L'idée, en gros, c'est que ces différentes réformes du droit du travail, du droit des travailleurs, rejoignent, en fait, la loi Hartz IV qu'avait fait passer Schröder au début en Allemagne au début des années 2000, avec l'idée de rattraper la compétitivité. C'est chose qui sera évidemment impossible étant donné l'état du capitalisme français. Mais les dirigeants de la CGT, alors que Macron va ouvrir d'autres dossiers, c'est-à-dire nouvelle réforme des retraites, nouvelle réforme de la sécurité sociale, nouvelle réforme de l'assurance chômage, où là vraiment les plus pauvres vont réellement payer. C'est-à-dire que Macron a commencé à les faire payer en baissant les aides au logement, en baissant toutes sortes ou en augmentant des cotisations sur les salaires. Ben là, Martinez dit bon, mais oui, ben, je suis prêt à discuter. Donc voilà, prochain procès round de négociation, Martinez va venir discuter avec Macron. Bon, c'est complètement. C'est quelque chose qui commence quand même à se voir assez sérieusement dans les syndicats, mais qui ne trouve pas encore d'expression de résistance ni d'opposition. C'est difficile à dire comment les choses vont se développer au niveau syndical. Mais en tout cas, voilà, le problème central pour le mouvement syndical, enfin la critique centrale, c'est d'une part cette stratégie des journées d'action qui sont incapables d'aller plus loin, alors qu'il faudrait le développement de grèves reconductibles. Alors, je dis ça, mais ça a commencé déjà depuis le travail à être en débat au sein de la CGT. Ça n'a pas encore pris ça ne s'est pas encore manifesté concrètement. Mais d'expliquer ça, évidemment, c'est ce que les dirigeants de la CGT se refusent absolument à faire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très confortablement installés dans les négociations. Ils représentent, ils sont là en délégation. Et ils ne veulent surtout pas voir le développement d'une grève reconductible qui échapperait à leur contrôle complètement. Et du coup, si le mouvement échappe à leur contrôle, pourquoi seraient-ils les interlocuteurs privilégiés de l'Élysée ? C'est ça, en fait, la question centrale, et surtout parce qu'ils sont collés au réformisme et leur programme, quand on regarde le programme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perspectives industrielles, économiques, qui sont présentées, seulement des politiques keynésiennes. Mais non, mais il n'y a qu'à juste relancer l'économie en augmentant les salaires, et puis les choses se feront comme ça. Dans tous les cas, Macron a tort de prétendre relancer l'économie par des mesures de compétitivité accompagnées d'austérité. Et ces dirigeants réformistes ont tort aussi parce que ces recettes keynésiennes ont déjà été épuisées et ne relanceront pas non plus l'économie. Voilà, et surtout, voilà, c'est absolument pas de programme présenté contre l'austérité. Alors, c'est peu probable que dans la période à venir, on ait une mobilisation syndicale, tant que cette question de la stratégie n'est pas posée. Et puis, un truc au passage qui a eu lieu entre le mois de septembre et récemment, c'est cet argument qui était invoqué, notamment quand Mélenchon a lancé l'appel à une manifestation politique le 23 septembre, qui était un succès assez important, une centaine de milliers de personnes qui étaient rassemblées, pas seulement contre la nouvelle loi travail, mais contre le programme d'austérité de Macron, qui a mis en difficulté les dirigeants syndicaux, et évidemment qu'on lui a dit « oui, Mélenchon veut diviser le mouvement, Mélenchon ou la France insoumise n'a pas à critiquer la stratégie syndicale ». Et de même, les syndicats ne vont pas s'occuper de politique et de critiquer la politique. On a fait des articles qui ont eu un certain succès à ce sujet sur la question, sur la fiction de l'indépendance syndicale, qui est au fond une position réactionnaire, de la même manière que Trotsky ou Lénine critiquaient la position des anarcho-syndicalistes français ou dans d'autres pays sur voilà, on limite la lutte contre le capitalisme à la sphère syndicale, et puis mais pas de connexion politique. Alors la différence, c'est que maintenant, Mélenchon, qui il y a quelques mois, ou même pendant la campagne, ou dans les années précédentes, disait « tout ce que feront les syndicats, je serai derrière, après tout, c'est eux qui mènent la danse », et là, c'est quelque chose qu'il a encore rappelé au mois de septembre. Maintenant, il y a un changement de ton qui n'est pas frontal, où il n'explique pas non plus la nécessité de développement de grèves reconductibles, mais qui pose la question qui critique la question de... Déjà. D'accord. Et où Mélenchon donc commence à critiquer, et c'est plutôt une bonne chose, à poser la question que la stratégie syndicale est erronée. Ça, c'est nouveau dans la période, et évidemment, ça, bien sûr, il subit encore plus, la France insoumise subit encore plus un certain nombre de pressions en tout genre, et de Mélenchon bashing, ou de France insoumise bashing, Mélenchon le dangereux, etc., enfin, ce qui est complètement surréaliste, évidemment, mais qui montre à quel point, en fait, la classe dirigeante est effrayée d'un développement de la lutte qui embrasse pas seulement qui se limite pas seulement au terrain syndical, mais qui fait une jonction, qui donne une perspective politique à la lutte contre Macron. Voilà. Et puis voilà. Alors la France insoumise, justement, pour en parler, c'est quand même une question assez importante. Pourquoi elle s'est développée aussi vite, de manière aussi importante? C'est un phénomène qu'on avait anticipé à la lumière de l'expérience de Syriza ou de Podemos ou de Sanders ou de Corbyn. Cette radicalité, c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté. En gros, les politiques qui ont, depuis la crise de 2008 en particulier, toutes les politiques qui ont accompagné le capitalisme en crise se sont retrouvées discréditées et ouvraient un espace pour la gauche radicale anti-austéritaire. Et on ne savait pas exactement quelle forme ça allait prendre. Ce qu'on savait de l'expérience précédente, notamment de 2012, c'est que ce phénomène de radicalisation commençait à émerger. Hollande a été préféré à Mélenchon à l'époque, en particulier parce que ça semblait, Hollande paraissait le candidat le plus crédible pour se débarrasser de Sarkozy, sur le slogan de Hollande où mon ennemi était la finance. Bon, ensuite, 5 ans plus tard, son vrai ami était bien la finance. Et là, aujourd'hui, on est dans une situation vraiment différente où, effectivement, la France insoumise pourrait se retrouver comme une alternative au pouvoir. Mélenchon joue un rôle non négligeable dans cette situation où il explique d'entrée que la France insoumise, malgré ses 17 députés, constitue la principale opposition de gauche. Et pas juste pour s'opposer au Parlement, mais se présente comme une alternative, envisage la possibilité d'élections anticipées. Et effectivement, selon le développement de la lutte ou des différents incidents, c'est quelque chose qui pourrait arriver. On n'en est pas encore là, mais c'est une perspective. Et c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément être obligé d'attendre 5 ans pour voir une dissolution du Parlement ou l'émergence de la France insoumise au pouvoir. Et alors, on va nous dire, oui, mais bon, finalement, mais Mélenchon reste un réformiste. S'il arrive au pouvoir, on aura le même scénario que Tsipras. À quoi bon? Alors évidemment, une fois arrivé au pouvoir, la question se pose. À la différence près, c'est que il y a l'expérience déjà accumulée de Syriza, que Mélenchon s'en est largement distingué en critiquant justement ça. Bon, alors sa seule alternative, c'est pas de se débarrasser du capitalisme évidemment, mais c'est d'avoir un plan A puis un plan B pour contraindre l'Union européenne à être plus relaxe et à faire mieux profiter la France. Évidemment, c'est quelque chose qui ne fonctionnera pas. Par contre, dans cette perspective, il faut voir les relations qu'il va y avoir entre le mouvement de la lutte des classes et la France insoumise. Et on peut dire que Mélenchon, de ce point de vue-là, est plus habile tactiquement, mais aussi, et c'est quelque chose qu'on c'est pas une certitude, mais pourrait aller plus loin. Il restera un réformiste en dernière analyse, hein, c'est-à-dire, c'est pas à quoi bon on existerait si Mélenchon était capable d'accomplir le socialisme, surtout quand on voit la structuration du mouvement de la France insoumise. Parce que ça, c'est une question importante. En ce moment même se tient justement la première convention de structuration de la France insoumise, qui prend, selon leurs dirigeants, plus ou moins bon an mal an, le même chemin qu'avait pris Podemos, c'est-à-dire pas vraiment de structuration, pas d'élection, des groupes d'action, étendre les groupes d'action partout sur le territoire, ce qui ne marche pas vraiment, en réalité, parce que la configuration d'organisation de la France insoumise pendant la campagne n'est plus la même. En tout cas, cette organisation n'est pas, ne suffit pas pour organiser et structurer une opposition forte dans le pays et rassembler les forces sociales qui pourraient justement accomplir une transformation. Par contre, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a eu beaucoup de militants qui se sont impliqués dans la France insoumise, et pour les plus impliqués, qui se disent « bon, cette situation ne peut pas durer éternellement ». Qu'est-ce qu'on veut ? Les finances, comment on les organise ? Il faut bien les structurer. Donc ces questions poussent beaucoup. Mais après, il faut voir aussi que le mouvement de la France insoumise dans l'État actuel, sa composition sociale n'est pas la même exactement que la composition sociale de son électorat. Il y a des militants dévoués, engagés, mais il y a beaucoup de préjugés, de confusion, qu'on qualifierait de petits bourgeois dans la France insoumise. Il y a énormément de bonne volonté, ça reste un mouvement extrêmement ouvert, mais qui n'est pas dirigé, qui ne se dirige pas bien du tout. Par contre, c'est un mouvement qui est suivi et qui pourrait connaître d'autres des développements et qui pourrait se radicaliser un peu plus, notamment sous l'émergence de luttes qui ne manqueraient pas d'arriver. Voilà, alors juste un mot, justement, dans notre approche par rapport à ça dans la France insoumise, parce que justement il y a quand même un potentiel, en particulier dans sa périphérie et dans sa jeunesse. C'est-à-dire que assez rapidement, les militants les plus conscients et les plus, on va dire, qu'ils ont vraiment envie d'en découdre, c'est-à-dire il y en a qui ont répondu à l'appel de Mélenchon, vous rejoignez la France insoumise, en rejoignant la France insoumise, vous devez vous considérer comme des révolutionnaires. D'autres entendent plus, bon, un mouvement large qui va pouvoir traiter de la cause animale par-ci, du vegan par l'autre, mais pas sur des questions sociales centrales. Et ce qu'on explique, c'est qu'effectivement, bon, la perspective de Mélenchon au pouvoir, oui, c'est tout à fait possible. Il y a un énorme vide. Par contre, arrivé au pouvoir, il va se retrouver dans la situation qu'a vécu Tsipras. Et là, la question, ça va être comment briser le pouvoir des capitalistes, justement, pour pouvoir au moins appliquer les réformes du programme. Et donc, expliquer la nécessité d'un programme socialiste, de nationalisation des banques, de la grande distribution, d'une réforme agraire de grande ampleur, etc. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui fonctionne, on a un écho assez favorable. Bien sûr, on est encore une petite organisation, donc on n'a pas un œil partout, une capacité d'intervention partout. Mais c'est cette approche-là qui est comprise par les militants les plus conscients de la France insoumise. Et évidemment, c'est une tendance qui continuera à se développer. Et j'ai plus beaucoup de temps, mais je dirais que la lutte contre Macron et ses projets, évidemment, n'est pas terminée. Il y a une radicalité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'émergence du Front Social. C'est une partie de militants syndicaux assez radicalisés, mais qui sont mal dirigés, en tout cas qui ne voient pas autrement que le développement d'être plus nombreux et qui ne posent pas concrètement la question de la stratégie de grève reconductible. Mais surtout, la question centrale, ça va être la jeunesse. Fred en parlait ce matin. La jeunesse est particulièrement impactée par la crise, le mal logement, pouvoir accomplir ses études dans des conditions dignes. Et puis, quel avenir on nous propose, quoi. La précarité, pas de boulot, une nature complètement pourrie. Effectivement, là, il y a dans la jeunesse une radicalité, une envie de radicalité. Il y a un potentiel explosif là-dedans qui n'a pas encore émergé. Mais je dirais, par contre, ce qui est assez probable, on ne sait pas quand, comment, dans quelle ampleur, qu'on ait des mouvements de lutte et de grève assez radicales. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que d'un côté, on nous dit que la reprise est là, que les capitalistes ont des bénéfices, qu'il y a la croissance économique repart. Alors comment se fait-il qu'on nous applique une cure d'austérité, qu'on attaque nos conditions de travail? Et tout à l'heure, on parlait d'Amazon, c'est un sujet qui revient souvent. En France, je ne sais pas si ça va se développer sur une lutte, mais la direction d'Amazon appelle les salariés d'Amazon à dénoncer leurs collègues qui ne respectent pas les cadences. C'est un exemple avec Amazon qui est particulièrement grave, une attaque extrêmement dure. Mais les conditions de travail des salariés sont attaquées de partout, dans tous les secteurs. Et donc il y a des traditions de lutte, évidemment, en France, qui peuvent exploser assez soudainement. Et c'est pas impossible qu'on ait, enfin c'est sûr qu'on aura des mouvements de grève localisés, peut-être plus étendus, mais qui vont donner, l'arrière-plan en fait général de lutte à venir. Et puis il y a un autre aspect aussi, c'est que Macron, qui avait quand même promis monts et merveilles et qui en aurait pour tout le monde. Une partie de sa base sociale, en particulier sur sa gauche, se rend compte que finalement, c'est pas du tout ce qu'on avait espéré. C'est la même politique qu'avant, en pire. Il avait fait un discours très pacifique, la condition des femmes, la condition des travailleurs immigrés. Et finalement, on se retrouve avec Macron pouvant reprendre a dit l'autre jour publiquement à une travailleuse marocaine, mais si t'es pas en danger dans ton pays. Tu devrais y retourner. C'est-à-dire que c'était cette partie de l'électorat qui pouvait croire que Macron allait arranger certaines choses sur le point de vue social, sur la question des discriminations, en fait n'en est rien. En ce moment, il se fait le chantre de la question féminine, du féminisme, de l'oppression des femmes, alors que les lois qu'il vient de faire passer aggravent considérablement la question des femmes, notamment en ce qui concerne les conditions de sécurité, de santé et d'hygiène pour les femmes, ou la fermeture d'hôpitaux, la baisse des crédits sur les hôpitaux, la fermeture de services gynécologiques en conséquence. Enfin, ça a des conséquences qui touchent toute la société. Et finalement, cette impression qu'on pouvait avoir d'un centre encore viable est en train de... cette base sociale pour ce centre s'effrite de plus en plus, finalement. Et qu'est-ce qui reste derrière, quoi ? C'est-à-dire que la droite traditionnelle est morte. Le PS est explosé, le PCF encore moins capable de mobiliser quoi que ce soit, et finalement il reste que la France insoumise et l'espoir qu'il a suscité, parce que c'était ça aussi la question. Effectivement, il y a des possibilités d'intervention importantes. Et puis un autre facteur aussi, c'est le facteur international. C'est-à-dire que le développement de lutte en Belgique, dans d'autres pays, une explosion de la lutte des classes, comme il est probable en Italie, ou d'autres incidents qui déclencheraient une explosion des classes, peuvent d'un pays à l'autre aussi avoir un impact et radicaliser les choses. Et Mélenchon, enfin la France insoumise est assez sensible à ça, c'est quelque chose qui pourrait effectivement se développer. En tout cas, effectivement, on a du temps, mais pas trop, pour développer nos idées, notre organisation, mais il y a des conditions objectives extrêmement favorables, en réalité, pour nos idées. Et c'est sans aucun doute que si pendant toute cette période on arrive à se développer plus amplement, de constituer une forte aile gauche, une aile marxiste dans le mouvement en général, sans s'accrocher à un fétiche d'un parti ou d'une formation ou de Mélenchon ou de qui d'autre, que nos idées peuvent trouver leur chemin sans aucun doute là-dedans. On va dire on a la seule perspective positive pour sortir ce monde de l'ornière. Voilà.